rien, incarcéré pour litige, fraude, vol de biens. Tout est arrivé si vite, du jour au lendemain, enfermé, poursuivi pour un crime qui n'est même pas le mien. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru, jusqu'à ce que j'aie vu, de mes yeux vus. À la télé, ils m'ont traqué, puis trouvé, puis prouvé. Et à présent, c'est l'heure d'être condamné. Mon heure est arrivée, le réveil a sonné. J'suis maintenant assommé, mais en éveil, car je ne trouve plus sommeil. Mais contrairement à ce qu'on croit, il n'y aura plus vrai réveil pour moi. J'parle pas de la chaise ou de la croix, mais plutôt d'une condamnation devant un juge, témoin, victime ou proche, parent, suivi d'une accusation et d'un serment. J'aurais dit juste la vérité, rien que la vérité, même si rien. Ça n'est apparent, apparemment, je serais coupable assez clairement. Il serait trouvé une pièce à conviction m'appartenant. Ok, c'est clair, je m'en mets, je m'en fous car je n'ai plus de conviction. Convaincre à finir au trou au plus clair en prison, impossible, je suis maintenant leur cible. Les fous, moi, de pionniers qu'ils m'ont mis à l'échec. Et maintenant, d'une boule espionnier, ma tombe guette. Jusqu'à ce que ce soit ma tombe, je guette prisonnier until my death. Et tout ce que je regrette, c'est ma pauvre mère envers qui je suis en dette. Chouette, au moins qu'elle n'ait pas trop de regrets. Ah, et puis fuck it, de toute façon, ce qui est fait est fait. Non, c'est un bon petit gars, je l'ai pas élevé pour qu'on arrive à ça. Je l'ai jamais vu tenir avec des gros bras. Il s'est sûrement fait avoir par un vieux bridé en échange d'avoir. Non, c'est sûrement son père qui lui a tout enseigné. Depuis qu'on s'est séparés, je le voyais plus. Il a mené mon criminel depuis l'âge qu'il mue. Lorsqu'il mue comme mère, c'était un gars bien parfait. Finalement, c'était peut-être une réputation parfaite. J'ai toujours dit de se tenir loin des étrangers ou bonbons. Mais c'est à toute la qui a changé de rôle, qui s'en a acheté une cargaison. Je connais même pas son crime, t'es qu'à violer une fillette ou fait le contrôle du racket. Mais ça m'a tout l'air d'un meurtre, mais à quel motif font sorte, s'il vous plaît. Retenez-vous de le condamner. Je veux pas être perçu comme une autre de ces mères damnées. Ma réputation, je peux l'oublier. De toute façon, son père doit être en train de m'accuser. Dire que tout cela est de ma faute. Jamais la sienne, c'est toujours celle des autres. L'autre du crime, aujourd'hui, c'est mon fils. Pourtant, c'est pas du style à prendre des risques. Mon Dieu, offre-moi une piste pour découvrir ce que soupçonne la police. Jeune, je le tenais dans mes mains. Mon fiston me signifie une certaine satisfaction à sa belle vie. Vient d'y mettre un frein, y en frein une loi. Mais j'ai pas laquelle ça commence. Enfin, moi savoir ce que les juges en pensent. La suprématie sans émotion, comme un être suprématie sans motion. Plutôt un emblème d'autorité qui est en train d'être l'auteur de l'idée de devenir juge de la Cour suprême. J'y suis me prémunir d'heureux pour un parcours jusqu'au sommet du système. Moins de système abordé durant cette plaidoirie. Le témoin plaide et doit réciter les faits véridiques. Ensuite, je dois réviser, exposer mes faits en vue d'un verdict. J'suis en faveur de la condamnation d'accusé. Les pièces à conviction me convainc de juger les gestes de l'individu. Individu lui apparaître, car elle est bien assidue sans le transparaître complètement, complidément. Il me fixe droit dans les globes oculaires. L'ambiance occulte l'heure. Le silence, l'atmosphère de la salle est pesante. Qui me contraint à dicter ma sentence. Monsieur l'accusé, à la suite de ces allégations, vous êtes formellement condamné pour le meurtre de M. Bilodeau. Vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de 15 ans, avec possibilité de réhabilitation après 10 ans. La séance est levée.